Santa, Royaume des Pays-Bas. Bienvenue mon bonheur, Nathalie de Paris, Didier Pelé quoi, Papa Jenny. Cette fois-ci, ma naïe, faille na yoko, pour ouvrir bisana, sans qu'il prenne ma na monte ma na yoko, la canta, Jean-Jacques Moukwade. Et si vous l'avez, la canta, ta coupe, yo, que yo y na canta, mon nom jusqu'à ta un jour, ça sera vraiment le plus beau jour de ma vie à Boukébé. Je néglige là, je suis perdu. La galère va sans départ. On m'a dit de me carnivore. Kati et Léa, quand je fais un moto aimé, ambassadeur voté, sinon, supérieur. Décision finale à vie à moto. C'est la maman qu'on s'en met. Kati pour la vie à la naïo. A cause de la raisonnée. Amour naïo, dis à la sénat. Si de ma bima petit mon pao, mon lino la lola, on a vu moi je compte là, et les points à le joker, on y connaît un aïe, l'ocola du casana de thé, mon pépé et ma tati, et quoi si le casana n'y a pas là, les soucis pour ton sabolo en oe, nanou mon sœur. Parfait ma bengue les synagogues, Alain Mambouye, Michel, Mbaya, Thierry, Diolo. La Kokama, la Baliko, Yuma Zanapate, la Kepé Azanapate. Et l'or VIP, Tintikala, Leto Nantoso, Oda Kwanza, Oda Kwanza, Oda Kwanza, Oda Kwanza, Oda Yo tata résonné pour tout à l'heure, mon nom à la paix pour caca. Elle m'a dit histoire, vous. Thank you. Come to me.